Dieu cherche ceux qui rêvent de lui, qui rêvent de son apparition. Dieu cherche ceux qui ne résistent pas, lui obéissent comme des petits enfants. Dieu cherche ceux qui sont capables, capables d'entendre ses paroles, qui acceptent ça. Maudit par Dieu.